Les chroniques de Geoffroy de Villehardouin et de Jean de Joinville sont liées aux croisades dont le but initial était le suivant. Après que les Turcs seldjoukides, au Xe siècle, eurent repris possession de la Palestine, terre sainte pour les chrétiens notamment, des hommes d'Église prêchèrent les croisades pour aller libérer à Jérusalem le Saint-Sépulcre, tombeau présumé de Jésus-Christ. Mais certaines de ces croisades furent déviées de ce but initial, notamment la quatrième, sous l'influence des Vénitiens. Cette quatrième croisade, à laquelle participa Geoffroy de Villehardouin, s'arrêta en fait à Constantinople, comme il le raconte dans son Histoire de Constantinople au début du XIIIe siècle, dont je vous propose les deux extraits suivants.